L'After Job avec Francky. Rejoindre la radio, appelle le 02 38 43 48 00. After Job, Francky. Bueno, ya tú sabes que la unión hace la fuerza y que cuando se juntan talento y creatividad, el único camino es el éxito. Roster Music, poniéndote el flow tropical. La disco de forma indecente, la mano para arriba, mi gente, que somos latinos de sangre caliente. Quiero tenerla junto a mí, cuando la vez se me diga que sí. Cuando ella quiera nos vamos de aquí, porque en mi cama ya sigue el party. Juguemos a quitarnos toda la ropa, mientras yo beso tu boca. Voy jugando con tu pelo, mío, te vuelves loca. Yo quiero ser tu ternura, tu enfermedad y locura. Los dos juntitos por siempre, tomados de tu cintura. Cielo, pa' que se quede conmigo. Solo te pido que esta noche bailes conmigo. Todos los latinos con las manos arriba. Todas las solteras con las manos arriba. Si tú estás on fire con las manos arriba. Si tú ya estás loco con las manos arriba. Tú sabes que rompemos el cap y dominamos la área. Solo hay uno que pega acá. Vamos a quitarnos toda la ropa, mientras yo beso tu boca. Voy jugando con tu pelo, mío, te vuelves loca. Yo quiero ser tu ternura, tu enfermedad y locura. Los dos juntitos por siempre, tomados de tu cintura. Solo te pido que esta noche bailes conmigo. Puedo llevarla hasta el cielo pa' que se quede conmigo. Seguimos ofreciéndote flow electrónico tropical. En esta ocasión, Charlie Rodríguez, Cristian de Luz, Casau, Henry y yeah. After Job avec Francky l'après-midi. Me dijiste adiós, me dejaste mil pedazos por no saber amar. ¿Cómo amar? La vida va pasando, tu carita no ha cambiado. Esos ojitos negros que siguen suplicando cómo amar. ¿Cómo amar? ¿Te acuerdas de esa noche? Éramos adolescentes. Quería darte un beso y tú tan inocente. Me tenías locamente enamorado. Me tenías locamente enamorado. Y ya lo ves, lo que fue ya fue. Y te marchaste poco a poco de mi lado. Y yo sigo locamente enamorado. Aquí sigo locamente enamorado. Me dijiste adiós, me dejaste mil pedazos por no saber amar. ¿Cómo amar? La vida va pasando, tu carita no ha cambiado. Esos ojitos negros que siguen suplicando cómo amar. Te tenía locamente enamorado. Me tenías locamente enamorado. Y ya lo ves, lo que fue, ya fue. Y te marchaste poco a poco de mi lado. Y yo sigo locamente. Allez, quand c'est l'heure de vous retrouver, c'est Francky dans la radio. 17h05 avec le son d'Enrique Iglesias. J'espère que la rentrée s'est bien passée pour les enfants. Tiens, si vous voulez témoigner, ben vous m'appelez aujourd'hui 02 38 43 48 00. Comment s'est passée votre rentrée? J'ai envie de le savoir. Et puis notre invité qui sera en direct dans quelques minutes, Pascal Thébibel, vice-président d'Orléans Métropole, conseiller délégué auprès du maire d'Orléans, Serge Gouard. Il sera en direct avec nous aujourd'hui. Voici Hi Baby, I Love You. De ton amour dans mes nuits. Au creux de tes bras, je n'ai besoin de rien. Comme dans un rêve où je me sens bien. Tu fais de ma vie un paradis. Viens et danse avec moi. For the bread and butter, yeah, they try to toast me. I'm married to the game, but the game don't love me. It'll leave me in a heartbeat, that's why I'm cold-blooded. When I say I love you, I mean it deeply. I can't see life without you living with me. And if you love someone, I know you feel me. When I say before they take you, they gonna have to kill me. And when you're gone, I'ma haunt you like a Chris Webber timeout final fold. So till the sky comes crashing down, world falls apart. Till death do its part, you my heart for sure. Habibi, I love you, I need you. Habibi, mon cœur ne bat que pour toi. Habibi, I love you, I need you. Habibi, la vie ne vient qu'en Job avec Francky l'après-midi. J'ai envie de te voir réveiller, il est stress de voir danser. Mon bébé sur le sable de tes corps enlacé. J'ai envie de te voir réveiller, il est stress de voir danser. Mon bébé sur le sable de tes. C'est le soleil brûlant de l'océan Indien. On dirait que c'était un été indien. Tu as surgi comme une fée. L'air on jouait comme un princesse. Ringa mona pita, hello. Ringa mona mona, hello. Vas-y, cola, pincée. prise, reste toi danser. Mon bébé, sur le sable de mes ton corps enlacé. J'ai envie de devoir me réveiller, prier prise, reste toi danser. Mon bébé, sur le sable de ton corps enlacé. Venu sur une plage étoilée, je t'observais danser. L'air détaché, mes yeux brillaient sur ton corps enlacé. J'ai envie de te voir réveiller, prier tes stress, te voir danser. Mon bébé, sur le sable doré, ton corps en acier. J'ai envie de te voir réveiller, prier tes stress, te voir danser. Mon bébé, sur le sable doré, ton corps en acier. Au petit matin, tu t'es enfui, sans faire de bruit. Un simple mot me laissant incompris. J'ai envie de te voir réveiller, prier tes stress, te voir danser. Mon bébé, sur le sable doré, ton corps enlacé. C'est le redoute avec vous, 17h13 minutes en direct. Arc-en-ciel, les bons plans sortis, actu, musique locale, c'est sur le 96.2 FM. Et on est bien sous le soleil d'Orléans, 96.2 FM. Dans moins de 10 minutes, il sera en direct à la radio. C'est Pascal Thébibel, vice-président d'Orléans Métropole, conseiller délégué auprès de la mairie d'Orléans, Serge Voir. Il est notre invité, il est arrivé dans les studios, on lui prépare le petit café, on le met à l'aise. Il arrive dans moins de 10 minutes en direct sur le 96.2 FM. Bienvenue à vous si vous êtes du côté d'Orléans, Saint-Jean-de-Bray, Olivet. Vous êtes bien en direct avec Francky. Yeah. Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM en direct, 17h18, direction cette belle ville de Saint-Jean-de-Bray où il y a du cirque et on adore le cirque, nous, en direct à la radio, et ça fait du bien. After Job avec Francky l'après-midi. C'est vrai que le cirque, ça fait plaisir de recevoir Alexis Grusse au téléphone avec nous. Bonjour Alexis. Bonjour, bonjour. Alors ça me fait vraiment plaisir de t'avoir au téléphone. Pourquoi ? Pour deux choses, parce qu'on s'est rencontrés pas mal de fois. Et puis ça fait plaisir que le cirque revoie un petit peu le jour, entre guillemets, parce qu'il y a des portes ouvertes, ça va être ce week-end, si je ne me trompe pas, Alexis. C'est ce samedi, ouais, exactement. Les portes ouvertes de 13h à 17h. 17h. Que va-t-il se passer alors pendant les portes ouvertes ? Eh ben, il va pas se passer énormément de choses parce qu'en fait, on est un petit peu comme tout le monde. Ouais, un peu bloqué. Covid, on a des restrictions et des obligations. Donc, on avait pour habitude d'ouvrir les portes du cirque, de laisser les gens rentrer comme ils voulaient, de pouvoir tester toutes nos activités, découvrir nos lieux. Là, forcément, avec les protocoles, on pourra pas exactement faire tout ça. Donc, on va simplement ouvrir les portes du cirque, permettre aux gens de venir voir nos installations. Par contre, malheureusement, on n'aura pas de pratique ou c'est dommage. Dommage, mais bon, tu sais, c'est un peu comme partout. Ouais, on a des obligations et on doit s'y tenir. Même avec les distanciations, on n'aurait pas pu faire quelques petites démonstrations avec le. Peut-être qu'on on est en train de regarder un petit peu comment on peut organiser ça, c'est-à-dire avoir éventuellement quelques élèves. Après, c'est un peu compliqué parce que dès qu'on a quelqu'un, par exemple, sur un agrès, il faut dès qu'il a terminé le nettoyer complètement, le désinfecter. Le mettre à l'air pendant au moins 15 minutes. Enfin voilà, les protocoles sont assez stricts à respecter et assez stricts. Et du coup, si on veut pouvoir laisser les gens rentrer et voir un petit peu tout ce qu'on a, on sera obligé quand même de garder des restrictions et de faire un petit peu ce qu'on nous a demandé de faire, tout simplement. En tout cas, on en appelle à la population d'Orléans et aux alentours. Ça se passe ce week-end, c'est samedi, c'est ça, les portes ouvertes samedi ? C'est samedi, voilà, exactement. J'espère qu'on aura un beau soleil et puis il y a un beau soleil. Nous on sera là. Mais on aura un grand sourire derrière le masque. C'est ça. Et est-ce que c'est facile aujourd'hui d'avoir le sourire derrière le masque avec le Covid, avec toutes les protocoles? J'ai une question bête, Alexis. Bien sûr, je sais que c'est pas facile pour tout le monde, mais il faut être là. Il faut survivre, entre guillemets, parce qu'il y en a qui survivent. Il faut survivre, exactement. C'est-à-dire que là, on est dans une période, à mon avis, qui est très très compliquée. Il faut malgré. Alors le masque, c'est juste terrible parce que avoir ça toute la journée, c'est pas facile, mais si on veut réussir à passer cette étape et que tout le monde puisse retrouver, on va dire, une vie à peu près normale, il faut qu'on fasse ces sacrifices. Donc nous on s'est préparé, en tout cas avec le gel, avec des sens de circulation, le masque, tout le protocole qu'il faut pour pouvoir reprendre notre activité. Et puis pour que les enfants aussi qui ont repris l'école aujourd'hui revoient le cirque, le bonheur dans les yeux des enfants, le sourire avec les clowns, avec les artistes. Exactement, exactement. Donc on est motivé, on attend que ça et on espère juste que les gens vont être au rendez-vous parce que nous on sera là pour les accueillir. Et on espère. En tout cas moi je vais passer vous voir samedi avec le bonheur. Avec grand plaisir. En tout cas, merci Alexis Grusse du cercle de Saint-Jean-de-Bray de nous avoir accordé ces quelques minutes d'interview au téléphone en direct de Saint-Jean-de-Bray. Ça nous fait vraiment plaisir et on vous donne rendez-vous, vous, la population d'Orléans et les alentours, bien sûr, Orléans Métropole et les alentours, de venir ce samedi voir le découvrir tous ces artistes du cirque Grusse. Merci Alexis. Merci à vous, merci à toi. Tu fais un bonjour à Tillade, qu'on adore aussi. J'hésiterai pas, il sera certainement là aussi. Il est toujours dans les parages et on sera très content de vous voir tous sous nos chapiteaux. Avec plaisir. Merci Alexis Grusse. Merci bien. Belle journée à toi. À bientôt. Au revoir. Et ça nous a fait plaisir de voir du bonheur dans les studios de la radio Arc-en-Ciel. Et un autre bonheur qui arrive, Pascal Thébibel, notre invité, dans moins de 3 minutes, juste avant la belle Kylie Minogue avec du son à l'ancienne, avec The Devil You Know, c'est sur Radio Arc-en-Ciel. No more. Radio Arc-en-Ciel avec le meilleur des souvenirs, la belle Kylie Minogue. Alors en anglais, j'étais super nul, moi. Better the devil you know. Du bon son des années 90, c'est ça, on s'en rappelle, hein, dans les boîtes à l'époque, quand on dansait. Notre invité, il arrive. Radio Arc-en-Ciel, l'invité du jour, c'est maintenant. Et je suis heureux et fier de l'accueillir parce que c'est la première fois qu'il vient sur Radio Arc-en-Ciel, Pascal Thébibel. Bonjour Pascal. Bonsoir Francky. Comment il va bien? Bah écoutez, je suis ravi d'être sur votre antenne ce soir. Mmh. Surtout après ce bon son là, ça fait ouais, du bien. Ça fait du bien à Bouquet Minogue à l'ancienne. Hein, ouais, ça me rappelle des bons souvenirs. Moi aussi, en club à l'époque quand il y avait encore des clubs. Oui. On en parlera plus tard. Vice-président d'Orléans Métropole, conseiller délégué auprès du maire d'Orléans, Serge Gouard. Belle casquette, des grosses études aussi, diplôme d'ingénieur, master en sciences, j'en passe, une tête pensante. Non, mais simplement quelqu'un qui a envie de s'engager, quoi. Ouais, voilà. C'est ça. Alors avant de démarrer cette interview, je voulais avoir une pensée, et beaucoup de gens Orléans, une pensée pour malheureusement une triste nouvelle qui est arrivée il y a deux jours, le décès de Monsieur Bono Nicolas, le maire de la chapelle Saint-Mémin. Je l'avais reçu plusieurs fois à la radio, et quand j'ai vu ça sur les journaux avant-hier, j'étais attristé, parce que quand on voit le personnage, quand on connaît le personnage, on est triste aujourd'hui aussi, Pascal. Oui, on est triste. Et puis, il s'est beaucoup investi pour la ville. Donc, je crois que c'est une nouvelle qui a vraiment attristé toute la communauté métropolitaine. Et donc, aussi, j'ai une pensée pour sa famille et ses proches. Voilà, sa femme et ses enfants. On lui adresse, bien sûr, toutes nos condoléances. Et on est tout cœur avec lui qui m'avait beaucoup aidé à la radio il y a quelques années. Ça me touche vraiment. Voilà, c'était une petite parenthèse que je voulais faire. Alors, on dit sur vous, sur toi, pardon. On dit que les candidats de 2020 voulaient tous Pascal Thébibel, c'est vrai, et pourquoi? C'est une image ou alors c'est la réalité? Non, c'est dur. Si vous voulez, peut-être mon profil a intéressé, c'est vrai, un certain nombre de personnes, puisque effectivement je suis assez impliqué dans le monde économique. Ouais. Mais après, il a fallu faire un choix, et donc j'ai fait le choix, vous connaissez, et je suis ravi de mon choix. Alors, ravi de votre choix. D'avoir suivi Serge Gouard. Voilà. Serge Gouard. Oui. Alors, pourquoi ce choix aujourd'hui? Non, c'est quelqu'un de très proche des gens. En fait, c'est ça qui m'a touché. Très pragmatique, très concret. Et je crois aujourd'hui, les gens ont besoin de ça. Ont besoin de confiance, ont besoin de proximité. Et je crois que Serge Gouard vraiment, vraiment incarne cette proximité, un reflet de cette proximité. Mmh. Et c'est vraiment sa feuille de route aujourd'hui, hein, qu'il a dit à tous les élus, à tous les adjoints de la mairie. Ouais. Il faut être sur le terrain tout le temps, être proche des gens, à l'écoute. Ça, c'est important aujourd'hui, surtout avec les conditions actuelles, avec le Covid, hein, avec toutes tous les protocoles qui existent. C'est assez compliqué pour tout le monde, je dirais. Alors, toi, tes ambitions aujourd'hui pour la ville d'Orléans, tes priorités, si tu en as, je sais que tu as plein d'idées. On te voit partout, parce que je te suis un peu sur les réseaux sociaux, sur d'autres activités aussi. C'est vrai que tu es partout, tu es dans toutes les activités, tu es sur le sport, tu es sur une inauguration à droite, à gauche. Et ça, c'est ce qu'il faut aujourd'hui, Alain, comme tu le disais, être prof des gens. Oui, et aussi parce que c'est vrai que ma délégation officiellement c'est l'économie, l'attractivité, mais l'attractivité a énormément de dimensions. Ouais. Elle n'est pas uniquement économique. Si on veut rendre une ville attractive, il y a plusieurs piliers. Il y a bien sûr la santé, il y a le cadre de vie, tout simplement. On veut vivre dans un cadre agréable. Et un cadre agréable, c'est quoi? C'est les loisirs, la culture, l'environnement, les loisirs. Et c'est aussi le logement, c'est le transport, la mobilité, les jeunes. C'est beaucoup de choses. Et donc il faut, et c'est très transversal. Et donc ça, le grand défi aussi sera finalement de cette attractivité qu'elle traverse tous les programmes de tous les élus à la mairie, parce que l'attractivité a vraiment toutes ses dimensions. Et donc, il faut vraiment la déployer sur toutes ses dimensions et être très, très à l'écoute. Très à l'écoute de toutes les demandes, et surtout à la fois du monde économique, mais surtout aussi, je pense aussi aux jeunes, parce qu'on les a complètement perdus. Beaucoup. Bah oui, je crois que ça, élection après élection, ils se désintéressent de plus en plus de la vie politique. Ouais. Et ça, c'est un de mes réels enjeux. Parfois, on me donne une image un peu parisienne, un peu comme ça. Voilà. Parigo, voilà. Voilà. J'irai pas de tête de veau, mais enfin, Parigo, voilà. C'est ce qu'on dit. Mais oui, mais non, mais c'est pas ça. Moi, j'ai dit qu'il faut démocratiser, et je l'ai déjà dit à de nombreuses reprises, démocratiser les réseaux pour que ça arrive jusque dans les quartiers, jusqu'à ceux qui, ou celles et ceux qui veulent entreprendre, qui ont des idées, ben il faut les aider, les écouter et être à leur côté. Déjà être à leur côté, c'est déjà très important. Ouais, être proche des gens, proche des quartiers, c'est important. Absolument. Aider les jeunes de quartier, mettre en place des protocoles aussi pour les quartiers, parce qu'ils sont un peu délaissés de temps en temps. Et pas uniquement les voir pendant les élections, parce que c'est ça qu'on nous reproche. C'est ça. Et j'ai promis qu'on reviendra avec des programmes concrets, avec des gens qui vont les aider et mettre en place sur la durée des programmes programme justement qui puisse les impliquer. Impliquer de façon, que ce soit les jeunes ou les quartiers, impliquer le citoyen, parce qu'aujourd'hui le citoyen est éloigné de la décision publique. Comment on les récupère? Pareil. Vous voyez, les conseils de quartier, c'est toujours les mêmes qui viennent, toujours les mêmes, je dirais, râleurs, mais c'est normal. Maintenant, comment on fait? Comment on attire les actifs? Comment on attire les jeunes? Comment on attire tout le monde? Et ça, c'est un réel aussi défi de réinventer la mairie de proximité de demain. La mairie de service public, d'une certaine manière, pour qu'elle puisse accueillir tout le monde. Ouais, c'est ça. Voilà. Pour toi, c'est ça qui serait en lien pour rapprocher les jeunes de la politique, hein, le rapprochement des élus vers les quartiers. C'est capital. La proximité, comme tu le disais, pas forcément aller pendant les élections, les voir la veille, bien sûr. Bon, ça va, tout va bien, je vous donne un flyer et votez pour moi. C'est toute l'année. C'est tout le temps, c'est tout le mandat. Il faut préparer la suite parce que sinon, après, nous avons les votes que vous connaissez parfois des votes qui sont un peu hors sol. Il faut vraiment les récupérer, les associer, former. C'est aussi les élus. Il y a des jeunes, parmi nous. C'est aussi la suite. Bien sûr. Il faut former des jeunes. Il faut former la suite. Et justement, vous avez préparé la suite. Vous avez des consignes de Serge Brouard là-dessus? Bon, c'est pas des consignes. Je crois qu'on n'a pas besoin de consignes. On en est conscient. Il faut préparer la suite. On a été élus, mais il faut déjà préparer l'avenir. Et se prépare dès maintenant. Il se prépare à l'avenir. Justement, je lisais un article qu'après le confinement, plus de 8 cadres sur 10 envisagent de quitter Paris. Oui. Ça serait une bonne nouvelle pour Orléans Métropole. Je vous le confirme, parce que je travaille, comme chacun sait, je travaille à Paris et je vis à Orléans, et c'est la première fois. Et c'est vrai que c'est un peu la galère aussi de faire Paris-Orléans tout le temps. On est d'accord. Il y en a beaucoup d'Orléanais qui montent à Paris. Oui, 6 à 7 000 tous les jours. Donc c'est un vrai sujet. D'ailleurs, d'attractivité, je ne l'ai pas nommé, c'est la mobilité, c'est le transport entre Paris, l'Île-de-France et Orléans. C'est un vrai sujet qu'il faudra aborder. Pareil, est-ce que c'est ferroviaire, c'est automobile, il y a différentes façons de l'aborder. Et c'est vrai que c'est la première fois que j'entends des trentenaires ou des quarantenaires à Paris me dire j'en ai marre de Paris, je veux partir. Ouais. Alors c'est là que je leur dis écoute, j'ai une petite idée pour toi. Il y a Orléans. Voilà. Très bien, Orléans Métropole. Ce serait pas mal. Une belle ville. Alors, comment s'est passée la rentrée aujourd'hui, Pascal, la rentrée scolaire? pas forcément pour toi, mais est-ce que tu t'es rendu dans des écoles? Est-ce que tu as été voir un peu des. Alors, je vais y aller. J'étais à Paris aujourd'hui, donc je vais voir ce qui va se passer demain. Ma fille va rentrer au lycée. Alors, elle est rentrée au lycée, elle s'est étalée jusqu'à jeudi, donc je vais avoir des échos en première ligne, voir comment ça se passe. Je sais que c'est une rentrée sous tension, mais je pense qu'on va tous s'adapter et être aussi justement à l'écoute des parents et de voir et des professeurs pour justement s'adapter très vite si jamais il y avait un quelconque souci. Mais je crois que là on a pareil une élue à l'éducation, Christelle Philippi, qui est très proche de tous ces sujets et qui est vraiment sur le terrain et sur la brèche. Ça va pas être trop compliqué à gérer les masques au collège, au lycée. Les jeunes ils vont s'adapter ou pas? Écoutez, les profs vont avoir du boulot. Remettons alors à l'époque on avait déjà du boulot, faut être honnête. Maintenant avec les masques en plus, remets ton masque. Oui. Ça pose vraiment de questions, mais c'est vrai que l'enseignement avec un masque, le fait de ne pas voir un visage, ça change la façon d'enseigner. Donc on va voir comment ça va se passer. Ça va pas être simple, c'est vrai. Écoutez, comme l'a dit votre précédent interlocuteur, il faut faire les efforts aujourd'hui maintenant pour qu'on s'en sorte le plus rapidement possible. Pour pas que ça dure encore des mois, des années. Beaucoup d'événements ont été annulés à Orléans. Oui. On parle notamment des gens se plaignaient de la rentrée, les associations. Oui. On n'a pas pu découvrir certaines assos. Tu en penses quoi? Parce que la braderie était là, on se plaignait un petit peu, la braderie est là, pourquoi pas nous, les assos, etc. Je comprends la frustration. Pourquoi la frustration aujourd'hui? Pourquoi alors avoir accepté notamment la rentrée, de pas avoir fait la rentrée avoir accepté la braderie sur Orléans? Alors, je crois savoir que la rentrée est relativement, alors c'est un problème de jauge, c'est toujours pareil, c'est relativement étendu, et il peut y avoir effectivement des attroupements à des certains endroits, une concentration de personnes qui effectivement est difficile à contrôler. C'était le contrôle sur toute une journée, sur une zone assez étendue qui avait posé question dans les discussions entre la mairie et la préfecture, et donc ils ont pris la décision. Je sais qu'effectivement c'est une décision difficile à prendre d'annuler rentrée en fête, mais je comprends et je conçois que c'est un que ça puisse poser problème, parce que les associations c'est important, la vie associative est importante dans la vie orléanaise, on a besoin des associations, et j'espère qu'on retrouvera vite le chemin du dialogue avec les associations, qu'on trouvera un autre moyen de refaire l'événement. Mais c'est vrai qu'on est tous très embêtés là-dessus. Alors c'est vrai que déjà les associations c'est assez compliqué entre guillemets déjà à la base. Alors si on leur donne plus le moyen de s'exprimer, de se faire voir, c'est encore plus compliqué. Je suis d'accord par rapport vous. Aux subventions. Voilà, mais en tout cas on croise les doigts pour toutes les associations qui nous écoutent. Mais c'est important. J'accorde beaucoup d'importance à la vie associative. C'est très vraiment partie du tissu socio-économique de notre ville. Si on devait faire une synthèse aujourd'hui pour toi, il manque quoi à Orléans Métropole? Berceau. D'être plus fier de notre ville. Je pense qu'il faut redonner. C'est une belle ville quand même déjà. C'est une très belle ville. On a un très bel écrin et on sait qui aussi ont le droit, ben, nos prédécesseurs. Et je crois que le travail a été fait là-dessus. Maintenant, il faut lui donner peut-être encore plus d'ampleur, lui donner de monter en gamme, si vous voulez, et de le faire savoir bien au-delà des frontières de la région, au niveau national et international. Quels sont pour toi aujourd'hui qui est sur le terrain pas mal de fois, je regarde sur les réseaux, quels sont les retours de la population orléanaise par rapport au Covid par exemple? On te dit quoi, le mot qui revient le plus fréquemment, on te parle de quoi, du port du masque, de la sensation, il y a plusieurs choses qui reviennent. Oui, il y a plusieurs choses, bien sûr c'est le port du masque, mais aussi vous avez vu toute cette montée de tension. On sent les tensions entre les plus de tensions entre les personnes, ouais. Il est vrai qui sont exacerbées par cette situation et ce port de masque. C'est vrai, c'est une réalité que je ressens quand me remonte une tension. Ça monte très vite en tension dès qu'il y a un problème. On dirait que ça va plus vite qu'avant. Surtout que le masque il fait beaucoup et pas tout le conseil. Les contraintes associées ils font pour beaucoup. Justement. Donc maintenant, il nous faut un climat plus apaisé, mais c'est vrai que ça n'aide pas. Justement, le port du masque pour les collèges, les lycées, et certaines familles ont des petits budgets pour l'achat de masques. Est-ce que tu penses que la ville devrait mettre un peu plus la main Moi, je pense qu'il va y avoir des réflexions. Ouais. Bon, là, vous savez, on s'est mis en place. Pour les familles, un peu plus compliqué, oui, on va bien dire. Sûr, ouais. Bien sûr, on s'est mis en place. On ne s'est pas encore tous revus. On va se voir d'ailleurs cette semaine. On aura une réunion dès demain avec Serge Roy. Et je pense que ça fera partie des sujets qui seront remontés par les élus. Et on prendra les décisions. Des bonnes décisions. On l'espère. On va parler d'un sujet aussi qui me touche et puis qui touche la ville d'Orléans et puis beaucoup de villes. Les discothèques sont fermées depuis le 14 mars. Aucune discothèque n'a pu réouvrir. Un sujet qui te touche. Tu étais d'ailleurs venu et je te remercie à la préfecture d'Orléans. On a manifesté entre guillemets. Enfin, on a fait un rassemblement. C'est pas des manifestations qu'on fait. Rassemblement pour donner notre mal-être. Hein. Aujourd'hui, on est toujours en mal-être parce qu'on est fermé depuis 6 mois. On n'a aucune rentrée. On a quelques aides pour l'instant. On n'a pas toujours l'aide des 15 000 euros, on n'est toujours pas là, promis par l'État français. Aujourd'hui, toi, ton point de vue là-dessus? Ben oui, moi, je me suis rendu effectivement à cet événement parce que je m'adresse d'abord à des chefs d'entreprise. Et voilà. Le secteur est complètement. Alors, c'est ce que je voulais dire parce qu'on parle de discothèques, beaucoup de gens, oh, la discothèque, ça sert à rien, etc., etc. Il faut dire une chose que c'est derrière les discothèques, c'est des chefs d'entreprise qui gèrent du personnel et ils font bosser des gens, on paye des charges. Donc, c'est un chiffre d'affaires important au niveau national, exactement, absolument. Ouais. On est une société. Ouais. Alors effectivement d'abord c'est d'abord un point de vue économique et après c'est vrai que, et je vais être honnête maintenant étant je sors moins qu'avant, bien sûr, je n'oublie pas ma période plus jeune où je sortais beaucoup, et vous savez la nuit c'est important parce que la nuit on voit les choses différemment, la vie est différente la nuit, c'est vrai, on se dit des choses, voilà, mais la ville est plus belle la nuit comme certains le disent, et je pense qu'on a besoin de la nuit, elle doit revoir le jour hein, comme dites, c'est ça. Parce que ça fait partie de la vie et ça construit, ça nous aide aussi à nous construire, mais je pense que aussi, pour être honnête, ça sécurise un peu plus les jeunes. Je m'explique entre guillemets. Oui. Sécurise pourquoi? Parce que les jeunes, le traîner dans les rues après les sorties de resto ou de bar, ils traînent en ce moment dans les rues. Il y en a beaucoup. Oui. Hein, oui. Ils font des soirées privées. Il y a de l'alcool, il y a tout ça. Alors que les discothèques, on arrivait quand même entre guillemets à cadrer ces jeunes, à les monopoliser sur un endroit bien précis jusqu'à telle heure, et on essayait de faire attention à eux. Là aujourd'hui, ils sont un peu laissés à eux-mêmes, on va dire. Oui. Je crois qu'effectivement, c'est un très très bon argument, et on l'a vu. Avec dans ce contexte-là, on a vu beaucoup d'excès dans les rues, on a vu beaucoup de violences aussi qui se sont déclenchées de part et d'autre. C'est pour ça qu'on a dû prendre des décisions aussi au bord de Loire. Et donc, c'est un très bon argument d'encadrer la jeunesse, parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas où elle va. Il y a beaucoup d'événements sauvages, et donc il n'y a pas de raison qu'on puisse pas mieux encadrer. Et vous êtes des professionnels. Il faut faire confiance aux professionnels, je pense. Voilà. Bon, en tout cas, on te remercie de ce petit mot pour le service de la nuit. C'est normal. Qui doit revoir le jour, on espère. Oui. Un dernier mot à rajouter, peut-être. Pascal Thébibel pour finir cette interview. Écoutez, moi je veux dire, je suis très honoré de la confiance qui m'a été accordée dans la tâche qui m'a été confiée, et je ferai tout ce qui est à mon pouvoir pour rétablir la confiance. Mm-hmm. Je crois qu'on a besoin de confiance et de faire, si vous voulez, que les gens se parlent plus, mais à tout niveau. Hein. Mm-hmm. Moi, mon objectif, c'est vraiment que les gens travaillent mieux en réseau, et l'économie, c'est important. Vous savez, on s'aperçoit que les entreprises ne se connaissent pas forcément toutes sur un même territoire, petite et grande, et ça, c'est important. Moi, je crois qu'on doit être solidaire. entre nous, solidaire sur le point de vue économique, social, jeune, moins jeune, et c'est ça qui va être important, c'est travailler ensemble, et vraiment que les gens se parlent. Voilà, parlez-vous, c'est voilà. Le message absolument. De Pascal Thibibel aujourd'hui sur Radio Arc-en-Ciel, et prochaine grande réunion avec Serge Grand prochainement, là on va parler de quoi, si on peut savoir un peu les coulisses, entre guillemets. Ah bah c'est sûr, le Covid, ouais, on est COVID. Vraiment ouais, un sujet important, absolument, sûr. Avec la rentrée, et puis aussi sur le point de vue économique, et bien sûr la rentrée économique, la situation qui va peut-être un peu plus compliquée d'ici la fin de l'année, donc il faut être extrêmement vigilant, et le mot clé c'est anticipons. Et je pense que dans quelques jours on fera un petit point sur la rentrée, voir comment s'est passée la rentrée scolaire, c'est toujours important. Pascal Thibibel, merci beaucoup d'avoir accepté notre interview aujourd'hui sur Radar Conseil. Ça me fait un plaisir. Ça me fait vraiment plaisir de te recevoir à la radio, et tu reviens quand tu veux. Voilà. Merci. Ravi, merci. Merci, passez une bonne journée à la radio en direct, 17h41 minutes, Radar Conseil 96.2 FM. Your transatlantic champion, Big Ali, New York City in the building, and you are now rocking with DJ Bass. Let's go! Everybody clap your hands, clap your hands. Everybody clap your hands, clap your hands. Everybody clap your hands, thank you. Everybody clap your hands, thank you. Everybody take it all somewhere, we're going so rock from there. All these bodies lined up over here, to the left, to the right. See the lights, they shine so bright. Right now we're gonna bounce for the night. Yeah, the music got you flying like a knight. With the booty down, hands in the air. Passé, assez de mal en déjeuner et passé.

soir on sort et c'est moi qui chante. On va le cacher à tous mes potes qui rentraient. On est 50 motherfuckers. Ouais, ce soir on est 50 et on est 50 motherfuckers. Ouais, ce soir on est 50. Yo, ton bé, tout ta bé, ta bé. Tout le monde aqui ta bé. J'suis avec mon mec, t'as tout ton bé. Yo, ton bé. C'est elle qui nettoie mes armes. Et c'est à deux qu'on fait le ménage. Samba, samba, samba. É uma rocana e a brasileira. Se mexer com meu marido, vai levar peixeira. Ele tá aqui comigo. Aqui no RDV. Não vem brincar comigo, porque eu sou uma brasileira. Eita, eu tô bem. Fiosa do Brasil, 17h52 minutes. Mais quel temps va-t-il faire demain? Eh bien, bonne nouvelle, ça se maintient. La météo. La météo pour demain, les températures au lever du jour, il fait un peu plus frais quand même le matin, 11 degrés. On va monter quand même jusqu'à 21-22 degrés, un mélange de soleil et du nuage, un petit peu comme aujourd'hui. Pas de pluie prévue au programme, mais normalement ce week-end devrait être plutôt ensoleillé. Ça c'est encore une bonne nouvelle. Une deuxième qui arrive, c'est Maître Gims avec Tu vas me manquer. Et j'étais fier quand même de recevoir Pascal Thébibel, vice-président d'Orléans Métropole. Ça me fait vraiment vraiment plaisir de l'avoir accueilli en direct à la radio. On vous enverra le podcast sur ma page Francky Radio Animateur Arc-en-Ciel. C'est Gims qui arrive. Encore une matinée à me demander comment je vais combler tout ce vide que tu as laissé. Je sens que la journée promet d'être longue et je n'ai plus personne avec qui la passer. Je ne peux plus porter cette solitude, tu me manques, je n'ai plus personne à qui me confier. Je passe mon temps à regarder par la fenêtre et je ne te vois toujours pas entrer. Tout semble fou, j'en perds mes mots. Que vais-je devenir? Je garde espoir de te revoir dans un proche avenir. Je t'attends comme si t'allais rentrer. Tu vas me manquer, tu vas me manquer. De ton retour, mais le réveil me replonge dans ce cauchemar. Sans toi, je m'ennuie, je souris quand je pense aux discussions qu'on avait matin et soir. Je pense tellement à toi, parfois j'ai l'impression d'entendre le son de ta voix. Plus les années passent, plus je réalise à quel point j'avais de la chance de t'avoir. Les souvenirs de ça. sera ton absence, je t'attendrai encore, encore et encore. J'attendrai que tu rentres. Manquer, Radio Francielle avec Gims, 17h56, on est en direct. Justement, si vous voulez réagir sur la rentrée scolaire, comment s'est passée la rentrée, appelez-moi à la 02 38 43 48 00, c'est le numéro du standard, 02 38 43 48 00. Venez me raconter votre rentrée. Ah ouais, en direct à la radio, ça fait du bien. After Job avec Francky l'après-midi. After Job avec Francky l'après-midi. Eh ouais, jusqu'à 19h en direct. Gims qui était là, voici Kinvé. Un bon souvenir, tu réalises. Est-ce que tu réalises que rien ne rivalise avec toi pour tes valises, que l'on officialise toi et moi. Tu réalises que rien ne rivalise avec toi pour tes valises, que l'on officialise toi et moi. Toi et moi, ça pourrait être une belle histoire. Bah ouais, quand tu auras un problème, j'accourrai. Si tu te noies, je serai ta bouée. Oh bébé, dis-moi ton secret pour m'avoir autant secoué. Car à toi, je suis doué. J'ai toi la bouée. Est-ce que tu réalises que rien ne rivalise avec quoi pour tes valises, que l'on officialise toi et moi. Tu réalises que rien ne rivalise avec quoi pour tes valises, que l'on officialise toi et moi. Tu sois pas hostile et donne ton fun. T'as pas de mentir, j'suis plus personne. Mes jambes vacillent, mon cœur résonne. T'as l'air in, t'as l'air on. Un peu coquine et loin des connes. Je te taquine, quand tu déconnes. Comme Anakin, viens on décolle. Et à ce qui paraît, j'suis pas assez bien pour être ton homme. Ouais, à ce qui paraît, tu n'aimes pas quand les mecs te collent. Et à ce qui paraît, tu es plus rouge quand t'es sale. Est-ce que tu réalises que rien ne rivalise avec quoi pour tes valises, que l'on officialise toi et moi. Tu réalises que rien ne rivalise avec quoi pour tes valises, que l'on officialise toi et moi. Allez, donne-moi le temps de t'expliquer ce que je ressens depuis des mois. Allez, pardonne-moi. Le fait que les verbes moyens lorsque je suis près de toi. Car personne ne t'arrive à la cheville. Sur un arc-en-ciel, courage à tous qui sont sur la route du boulot, là, en pensant notamment aux chauffeurs-livreurs, là. Bah oui, il y en a pas mal en ce moment, hein. Ça roule. Voici la belle Shakira avec Je l'aime à mourir. Belle reprise. Et on adore de Francis Cabral, là, derrière la cabane du pêcheur. Voici Shakira. Pueden destrozar todo aquello que ven, porque ella en un soplo lo vuelve a crear. Como si nada, como si nada. No quiero morir. Ella para las horas de cada reloj y me ayuda a pintar transparente el dolor con su sonrisa.

After Job avec Francky. Yo soy de la yeca, dile a tu novio que no se meta. Ando con los tigueres a cualda. Tengo todo y tengo la vaca. Suena la mano, las mujeres guapas. Si todas son bellas, son bellas, son bellas. Ven pa' la tarima, que el ritmo te llama. Y con el DJ. Catin avec Sedan Figo, 18h09. Tiens, j'ai une bonne nouvelle pour les joggeurs et les cyclistes. After Job avec Francky l'après-midi. Ouais, on a des bonnes nouvelles quand même. Ça arrive de temps en temps par arrêté de la préfecture du Loiret. Les cyclistes et les joggeurs sont dorénavant dispensés du port du masque durant leur activité. Ce dernier reste obligatoire pour les piétons, bien sûr, les utilisateurs de trottinettes gyropodes de plus de 11 ans dans les 22 communes de la métropole d'Orléans, et ce jusqu'au 30 septembre. Voilà, donc footing et vélo sans masque. Voilà, c'est ce que vient de tomber le décret aujourd'hui. Les souvenirs qui arrivent avec Katchou, puis on a aussi l'Alliance Ethnique avec Simple Funky sur la Rancielle. Était bien temps, c'est un élément déterminant. Mais non, mais non, mais non, mais non, non, non, mais non, mais non, non. Où vous pensez, ah, où vous savez, oh. Mais peu importe, vous demeurez dans cet état où l'esthétique demeure à vos portes. Stop, je vise le naturel, oh. Détruis l'artificiel, ce point de vue reste personnel. En d'autres termes, celui de qu'un point met le ciel. Dire que certains ignorent les bienfaits de leur propre personnalité mais vaut pire. La spontanéité reste mon propre point de mire. Mire, pire, ce dont la langue, dans notre activité, que de s'agiter dans le vent. Non, si, oh, oui, c'est la même gelée. Non, ouais, non, non, non, non, même pas. Simple funky, simple funky, simple funky, let's be funky. Simple funky, simple funky, let's be funky. Simple funky, simple funky, simple funky, let's be funky.

feel all to me. I give my all to you. You're my end and my begin. Even when I lose, I'm winning. Cause I give you all. Je sais pas vous, mais moi ça me donne envie de danser. Hein. Même si on peut pas, un petit coup de kizomba de temps en temps, ça fait du bien. Hein. Et ouais, c'est triste. Hein. C'est ce que nous disait Pascal Thébibel tout à l'heure. Hein. Adjoint à monsieur Serge Groire, hein, il dit ouais, on est triste aussi. Même lui, il disait en antenne, il m'a dit je peux plus danser. Hein. De temps en temps, j'aime bien aller faire un petit pas de danse en boîte. On espère bientôt revenir. Et ce, grâce à vous, n'oubliez pas la nuit, on est toujours là. Avec le meilleur des souvenirs. Eh ouais, il a fait l'Eurovision, il est arrivé 6 ou 7e, je sais plus, c'était il y a 4 ans. Voici Amir avec J'ai cherché, c'est sûr, à la console. On vous souhaite une bonne fin d'après-midi. 18h24 minutes. J'ai cherché un sens à mon existence. J'y ai laissé mon innocence. J'ai fini le cœur sans défense. J'ai cherché l'amour et la reconnaissance. J'ai payé le prix du silence. Je me blesse et je recommence. Tu m'as comme donné l'envie d'être moi. Donné un sens à mes pourquoi. Tu as tué la peur. Like the melody of my song. Like the melody. After Job avec Francky l'après-midi. Maintenant, c'est la traversée du désert pour lui. Amine, avec Je voulais. Ça lui apprendra à faire un peu la star. On m'a dit qu'il faisait un peu la star quand même. Avec du son, souvenir direct à la radio. Je voulais remercier Florent Amigo qui nous fait tous les podcasts de la radio. Merci, mon petit Florent. Ça nous fait vraiment plaisir. Big up à toi, mon ami. Tu peux nous appeler, tiens, si tu veux faire un petit coucou à la radio. 02 38 43 48 00. Puis on te saluera en direct. Ah, les souvenirs boule à facettes à l'époque. On était les kings du dance floor. Mais bientôt on va revenir. Voici les Boys Stand Gang en 1984. Vous aviez quel âge en 84? Moi j'avais 14 ans. Voilà. Et vous? Appelez-moi 02 38 43 48 00. Voici le son disco Can't Take My Eyes on You. Intemporel ce titre. Intemporel à l'ancienne. Pardon the way that I say, there's nothing else to compare. sur Job avec Francky l'après-midi. Potentiel le meilleur des souvenirs avec Treasure Grudomers. Renaissance avec vous, courage à vous hein, si vous sortez du boulot là où vous êtes sur le retour de chez vous, voilà, tranquille hein, tranquille sur le volant hein. Allez pas vous agacer, on est bien, vive la rentrée. Racontez-moi un petit peu, venez m'appeler au 02 38 43 48 00 et venez me raconter un petit peu votre rentrée scolaire, comment elle s'est passée, bien, pas bien, et bien allez-y, on vous attend. 02 38 43 48 00 jusqu'à 19h. After Job avec Francky l'après-midi. Et il sera avec nous la semaine prochaine au téléphone. Il l'a promis, Rodrigo Ace. Voici Last Christmas, la reprise. El día después, por ti no quiero sufrir, mejor lo regalo a otra. Así. Rodrigo Ace. De todo corazón, gracias. Yeah. olvidaste que mi corazón te estuvo esperando. Ay, you know, lo envolví, lo mandé con las tres palabras que conoces. Ahora sé lo bien tonto que fui y con un beso más no ganarás otra vez. Last Christmas te di mi amor y me lo devolviste el día después. Por ti no quiero sufrir, mejor lo regalo a otra. Oh, last Christmas te di mi amor y me lo devolviste el día después. Por ti no quiero sufrir, mejor lo regalo a otra. Desde París para el mundo, ondas positivas. Tu actitud me hizo cambiar. Me escondo de ti, de tu alma helada. Hoy día yo pensé que me hipnotizaste. Yo fui solo un hombro donde lloraste. De ti me enamoré y fue pura pasión. Por ti tanto lloré hasta perder a sol. Oh, hoy yo tengo un nuevo amor, no ganarás otra vez. Last Christmas te di mi amor y me lo devolviste el día después. Por ti no quiero sufrir, quiero mejor no regalo. Oh, last Christmas te di mi amor. Rodrigo Ace, il sera avec nous au téléphone la semaine prochaine pour nous parler de son nouveau single. Et ils font partie des titres que vous adorez. L'un des sons les plus beaux que vous préférez, vous les Français, du côté d'Orléans. Voici Louis Bertignac avec ses idées-là, ex-membre du groupe Téléphone. Très bon souvenir des années 80. Baby, faudrait rentrer, tu vois. Je suis en mal-être avec toi. La machine à café est détraquée. Les cendriers tous renversés. Des heures passées devant la mire de ma télé. Des nuits sans dormir à demander. Tu peux bien aller. Oh. Passive.

sem trabalho a demora. O que se acaba, chegou a hora. Já estou cansado, te vou agradecer. A bebida que me faz tanto esquecer. A loucura do meu mundo que me é sofrer. Gosto do fim de semana. Vou te dizer quem eu sou. Visitando cheio de amor. Orgulhoso eu vou. Um conquistador ser bom. Onde eu vou, lá pra frente tem mais sabor. Invejoso não sou, a filha só pode ser. Vamos lá dançar, hoje é festa, ninguém chora. Vamos namorar, eu só quero alegria, igualdade e fantasia. Quero força, energia, deixa andar na magia. Lusitano, Marquito que j'adore, hein, qu'on aura au téléphone aussi la semaine prochaine, on va prendre des nouvelles un peu de tout le monde. Hein. Bah ouais, ça fait du bien d'avoir des bonnes nouvelles. Heureux d'être avec vous, Francky, jusqu'à 19h. Salut la famille, heureux d'être là, il est bientôt 19h. Il y a un DP international qui arrive, et juste avant, Marvin Gaye avec Charlie Puth sur Radio 96.2 FM. After Job avec Francky l'après-midi. This king says to ourselves, hey. Don't have to share with no one else, hey. Don't keep your secrets to yourself, hey. It's gonna suit your show and tell, hey. Yeah. Whoa. Envie de danser, ça. Charlie Puth sur la dernière ciel avec Marvin Gaye, Meghan Trainor. After Job avec Francky l'après-midi. Je suis heureux de vous retrouver jusqu'à 19h. Et puis la semaine prochaine, notre invité d'honneur mardi prochain. La nouvelle maire de Fleury-les-Aubrais sera dans les studios de la radio, Carole Canette, en direct, maire de Fleury-les-Aubrais, dans mon émission à partir de 17h30. Ne ratez pas ce bel interview. Je vous retrouve lundi à partir de 16h30 jusqu'à 18h30 et le mardi de 17h à 19h. Passez une bonne fin d'après-midi, un bon début de soirée et puis belle rentrée à tous. Soyez prudents, hein. Faites gaffe aux distanciations, faites gaffe aux masques, etc. Direction au Portugal, RDP International, et rendez-vous lundi 16h30. Salut les familles.